Prenez soin de vous, au revoir, à demain, c'est Histoire Vivante. Et Frédéric Pfeiffer vous propose Histoire Vivante. Cette semaine, le cinéma iranien. Révolution et création. Avec nous cette semaine... Je suis Agnès De Victor, je suis maître de conférence dans le département d'histoire de l'art, histoire du cinéma. Alors je suis Javad Zaini, né en Iran en 1968. Je suis Asal Bagheri, je suis sémiologue et je travaille sur le cinéma iranien. Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Froudon, je suis critique de cinéma, journaliste, je suis également professeur à Sciences Po et dans une université en Écosse. Je suis Katayoun Shahabi, je suis productrice et distributeur international des films iraniens à travers le monde. Aujourd'hui, deuxième épisode, Chercher la femme. En Iran, le film farsi va dominer le cinéma jusqu'à la révolution islamique de 1979. Le cinéma iranien devient une véritable industrie en Iran dès les années 50, à l'époque du film farsi. Le premier festival du film iranien a lieu en 1949 en Iran. C'est également à cette époque que la censure apparaît, les films devant passer par un comité spécial avant d'être diffusés ou non. Mais le film farsi, pour réaliser de grands succès, s'inspire-t-il de ce qui fait recette ailleurs, dans les autres pays? Jean-Michel Frodon, spécialiste du cinéma iranien. Il y a des influences, et la première réponse, mais c'est une réponse qui vaut pour la terre entière, s'appelle Charlot, Charlie Chaplin, il est immensément populaire. Les films étrangers sont distribués pendant cette période-là. On est sous le régime du Shah, qui est très ouvert au monde occidental, et notamment donc les films américains, hollywoodiens, sont montrés et ont du succès, sans du tout rivaliser, de la manière que, dans la même époque, les comédies musicales, pour les appeler comme ça, ce qui n'est pas tout à fait le bon mot, égyptiennes, ont un énorme succès dans le monde arabe et bien au-delà, en Asie et en Afrique, ou que le cinéma indien, déjà, est vu très largement, de la Corée jusqu'au Sénégal, et adoré, les gens connaissent les chansons. Donc, il y a plusieurs globalisations du cinéma simultané où Hollywood est loin d'être aussi hégémonique alors, et les Iraniens en reçoivent des échos, des effets, eux-mêmes ne diffusent pas. Les films iraniens ne sont pas vus à l'étranger et les films farsis ne sont pas diffusés hors d'Iran et il y a des influences, mais c'est que ça reste extraordinairement ancré dans une culture des faubourgs populaires des grandes villes d'Iran, des dialectes, enfin les langages des quartiers d'Iran, parce que c'est même pas le persan lui-même, comme la langue des grands poètes qui est parlée, c'est vraiment la langue du peuple, les langues du peuple, d'un peuple qui est composé de beaucoup de composantes d'origine nationale, ethnique différentes, qui sont prises en compte alors et reconnues par ce cinéma-là, et comme on le voit dans beaucoup de pays, hein, on a vu ça aussi au Brésil, la façon dont le cinéma unifie, enfin fait un travail de melting pot, ou aux États-Unis d'ailleurs, très clairement, et le cinéma iranien, sous sa forme populaire, donc le film farsi, fait ce travail-là. Alors, pour l'instant, tout va bien dans le meilleur des mondes, du 7e art. On sent que dans cette atmosphère où les films grand public et leur cortège de personnages, parfois dessinés à très gros traits, les ciseaux de la censure n'ont pas besoin d'intervenir. Encore que, il y a peut-être déjà là-dedans des tentatives de déviance, des tentatives multiples de corruption du public. Qu'en est-il? Est-ce que la censure est peu présente ou y a-t-il déjà des ciseaux attentifs? À ma connaissance, il n'y a rien de très significatif. C'est une industrie, et comme dans beaucoup d'industries, c'est souvent les responsables économiques qui eux-mêmes s'évitent tout type de problème. Ça coûte des sous de tourner des films, et si on va avoir des ennuis et qu'on peut pas les sortir derrière, ça n'arrange pas les producteurs, et donc on fait en sorte qu'il ne se dit rien ou il ne se montre rien qui risquerait d'avoir des problèmes. Donc c'est un cinéma conformiste, hein, c'est un cinéma qui maintient les valeurs communes, qui peut dénoncer des excès ou de la corruption ou des choses comme ça, le caricature, mais en restant très très général et qui au bout du compte est plus du côté du maintien de l'ordre que de sa remise en question. Ce qui va se passer de plus significatif, c'est qu'il y a des Iraniens qui voyagent à l'époque. Parmi ceux qui voyagent, il y en a qui vont en Europe. Parmi ceux qui vont en Europe, il y en a qui découvrent le néo-réalisme italien, puis un peu plus tard la nouvelle vague française, et qui vont importer ce rapport plus exigeant au cinéma et surtout avec une dimension documentaire. Et c'est par le documentaire principalement que les premiers mouvements, disons, critiques, visibles dans le cinéma, qui sont à la fois de la recherche esthétique et une interrogation sur la réalité d'une société qui est largement idéalisée par les médias, y compris le cinéma, que va apparaître une faille ou une distorsion dans la production iranienne. C'est toujours intéressant de voir comment les idées circulent, les références circulent. Il y a un réalisateur qui s'appelle Kamran Sherdel, enfin qui à l'époque n'est pas réalisateur, un jeune homme qui s'appelle Kamran Sherdel, qui va être l'élève de Zavattini au Centro Sperimentale de Rome, donc qui est à la fois la cinémathèque et l'école de cinéma italienne, Zavattini étant le scénariste avec De Sica du Voleur de bicyclette et une des grandes figures du néo-réalisme italien, et qui, revenant en Iran, va réaliser des documentaires sur la misère à Téhéran, ce qui était tout à fait exclu de la visibilité publique par les autorités, qui sont interdits, qui sont aujourd'hui disparus, dont on n'a guère que des... il reste des photos, enfin il reste des traces minimes. Puis il va réaliser un film tout à fait étonnant qui s'appelle La nuit où il a plu, et qui est un film construit sur un modèle un peu comparable à Rashomon ou aux pièces de Pirandello, c'est-à-dire autour d'un fait divers. On va avoir plusieurs vérités successives qui remettent en cause le caractère incontestable de ce que disent les autorités, de ce que disent les médias, de ce que disent des personnages qui représentent diverses formes de pouvoir, y compris ce que disent les autres aussi. Personne n'est investi de la vérité, donc relativise l'idée même de vérité, ce qui est évidemment tout de suite une affaire de trouble, et une affaire de trouble aussi en termes de cinéma, puisque le cinéma classique repose sur l'idée que si on vous le montre, c'est que ça a lieu. Et alors d'un seul coup, on vous le montre, et puis après on vous montre autre chose, ou autrement la même chose, et d'un seul coup, ça fragilise aussi le langage cinématographique, le rapport de pouvoir entre les images et les spectateurs, la légitimité de toute forme d'énonciation ou de représentation. Ça fait partie, il n'est pas le seul, il y a d'autres personnages importants qui circulent entre principalement l'Iran et la France dans la période de naissance de cette cinéphilie créative qui va donner la nouvelle vague, avec deux personnes importantes qui vont se retrouver l'un au cahier du cinéma et l'autre à Positif à la fin des années 50, puis qui vont retourner en Iran, qui feront des films, notamment Farrokh Ghaffari, et donc on a voilà tout, et puis qui vont créer une cinémathèque un peu inspirée de Langlois, etc. Donc il y a une transmission de ce rapport au cinéma qui vient de l'Europe de l'après-guerre, disons l'Italie et la France en particulier, et qui va infuser dans le cinéma iranien. Est-ce que, de la même manière que ça a pu se produire, par exemple, puisque vous la citez pour la nouvelle vague en France, on va de la même façon quitter en quelque sorte le studio traditionnel pour aller à l'évidence, puisque vous évoquez le documentaire beaucoup plus dans des décors naturels, dans des extérieurs. Est-ce que ça se traduit également par des coûts de production qui sont, de ce point de vue, moindres? Est-ce que, en même temps, puisque jusque-là on avait affaire à un cinéma très populaire, la clientèle, en quelque sorte, va se diviser entre une clientèle qui reste populaire et attachée au film précédent, et puis une nouvelle génération peut-être plus friande de denrées nouvelles. Alors oui, tous ces phénomènes-là se produisent. Il y a un film qui est un peu les 400 coups ou le à bout de souffle du cinéma iranien à l'intérieur d'un mouvement beaucoup plus large, qui est un mouvement qui se traduit, comme en France d'ailleurs, par aussi des revues, des discussions, des lieux de réflexion. Ce film s'appelle « La vache », le film de Darius Merjoui. Ce sont des gens très jeunes qui vont là où la caméra n'allait jamais, en l'occurrence, ça c'est une grande différence avec la nouvelle vague, à la campagne, dans un petit village qui contredit, dont la réalité contredit la doctrine officielle du Shah d'Iran, donc de ce qu'on appelait en Iran la révolution verte, qui était supposée avoir donné aux paysans la prospérité et la modernité, et qui montre une société terriblement archaïque et une immense pauvreté, et qui, en même temps, utilise un langage cinématographique nouveau, c'est de la fiction, c'est même quasiment un film fantastique, hein, la vache, il y a un rapport où le paysan qui se fait voler sa vache va devenir vache lui-même par douleur d'être privé de ce dont il avait tellement besoin pour vivre, c'est-à-dire il y a un côté burlesque ou de fable, mais il y a un côté tragique aussi dans cette situation et ce à quoi elle renvoie, qui est filmé dans un noir et blanc sublime. La vache est un film qui va être très populaire en Iran. Donc il n'est pas exactement, il ne recoupe pas ce que vous dites, mais ce que vous dites, qui est, bien sûr, c'est un film qui se produit, ça a à voir avec l'apparition d'une classe moyenne, qui, elle, cette apparition a lieu, d'une intelligentsia, d'une augmentation considérable du nombre d'étudiants, du nombre de gens qui travaillent, disons, dans des milieux urbains, éduqués, etc., qui vont avoir une demande nouvelle vis-à-vis du cinéma et du mépris, très clairement, pour les formes populaires antérieures, c'est-à-dire pour le film farci. Ils trouvent que c'est bête, que c'est moche et que c'est toujours la même histoire. C'est d'ailleurs pas tout à fait irrecevable. Et donc, ils vont constituer un public important, mais qui n'est plus qu'une certaine découpe sociologique dans le pays. Les gens, c'est pour ça que j'ai utilisé cette formule un peu étrange, les Iraniens aiment le cinéma, y compris, enfin, toutes les expériences que j'ai pu avoir là-bas, ça fait 20 ans que j'y vais maintenant, y compris des gens qui n'ont pas vu les films d'auteur ou les choses comme ça, ont ce rapport intensif au cinéma. Ils ont Internet, ils regardent la télé, enfin, c'est pas qu'ils aient loupé les avancées technologiques depuis. Ça n'a pas du tout fait disparaître. L'idée du cinéma garde un prestige, une aura extraordinaire. Être attentif aux détails, c'est sans doute ce qu'ont été des chercheurs de l'université de Cambridge qui, en 1999, font paraître une histoire d'Iran dans laquelle vous allez, Javad Zaini, extraire notamment une petite phrase qui en dit long et qui est la suivante. En regardant les titres des films iraniens produits depuis 50 ans, donc en gros depuis la fin des années 40, il est intéressant de noter que la majeure partie de ces titres contiennent le mot, je vais vous laisser le prononcer parce que mon iranien n'est pas au point, Dokhtar, qui veut dire fille. Exactement. Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense le cinéma, en fait, en réalité, aussi une sorte de moyen de sortir de chez soi et d'aller voir d'autres choses. Notamment, par exemple, en Inde, c'était très important de montrer des choses que les gens normaux pouvaient pas forcément voir, comme des belles voitures, des belles maisons et des belles femmes. Mais en Iran, je pense que ce côté belles femmes était assez important. C'est-à-dire, il fallait au cinéma surtout et aussi pour voir des belles femmes. Et le titre « La fille d'Horta », justement, était souvent utilisé dans ce sens-là, c'est-à-dire faire venir les jeunes hommes, évidemment, au cinéma pour voir les belles filles. Et il faut dire, à l'époque, ce qui est assez intéressant, il y a moins peut-être aujourd'hui, maintenant, cette distance entre les filles et les garçons en Iran qu'à l'époque, ce qui est très paradoxal. Et c'était assez difficile d'avoir de contact avec le sexe opposé. Et donc aller au cinéma pour eux, c'était aussi voir quelque chose et écouter quelqu'un qui ne pouvait pas forcément voir de manière générale. Et surtout, la plupart du temps, les spectateurs de salles de cinéma en Iran, c'était des villageois venus des petits villages assez lointains de Téhéran, et voir une jolie actrice s'exprimer et parfois se montrer à peu près nue et embrasser l'acteur était quelque chose vraiment extraordinaire. Mais afficher ainsi le mot, c'est également risquer de s'attirer toutes les fourches codines qui peuvent s'abattre aussi bien sur la pellicule, sur la salle de cinéma, que sais-je. Oui, en fait, si vous voulez, ça n'a pas été forcément très favorable à l'entrée du cinéma, justement, parce que le cinéma était d'abord un concurrent assez important pour les religieux, qui empêchait les gens d'aller aux mosquées ou écouter ce qu'ils disaient dans ce genre de cérémonie connue. Concurrence déloyale. Exactement. Et souvent, notamment, cette histoire de la fille de l'histoire ou l'histoire d'amour qui se passait, il y avait notamment aussi en Inde, comme j'en parle aussi dans d'autres pays musulmans ou traditionnellement connus comme l'Inde, l'aspect de la liberté de la femme et de l'homme aussi dans le cinéma était très gênant. Et ça passait pas vraiment à l'époque. Et donc, la raison pour laquelle le cinéma était toujours maudit, encore aujourd'hui, chez certains religieux, c'est justement ces gens de liberté qu'on voit dans le cinéma. Et la raison pour laquelle, d'ailleurs, les cinémas ont été brûlés à l'époque de la Révolution, dans les années 70, notamment surtout 77-18, était justement parce qu'on voyait dans le cinéma les filles. Et qu'on voyait justement des scènes nues et qui étaient assez difficiles pour les religieux et aussi les gens de la politique. Il faut savoir que à l'époque, il y avait beaucoup de censure justement vis-à-vis à certains films où on montrait trop de nudité. Donc c'était pas forcément de côté la religion, il y a aussi, comme j'en parle aussi encore dans le livre, il y a certains côtés un peu on va dire traditionnels et assez conservateurs chez les Iraniens qui n'ont pas forcément envie que leurs enfants aillent voir ce genre de films. La femme, l'actrice qui se dénudait devant la caméra, courait-elle un danger ? Et si oui, avez-vous sur ce sujet, Javad Zeini, une histoire à nous raconter ? Oui, vous savez, ça a été toujours le cas dès le départ dans le cinéma iranien. Ça a commencé avec le premier film parlant, Dortal et Lor, d'ailleurs encore Dortal, la fille dans le titre. Et Mehrangiz, l'actrice de film, qui vivait pourtant en Inde, après avoir tourné dans ce film, a été insultée par certaines personnes qui étaient en Inde, souvent des Parsis, ce qu'on appelle les Iraniens qui ont immigré en Inde. Et ça a été assez difficile vraiment pour elle de continuer. Elle a tourné encore dans un autre film, mais après elle a arrêté, et encore dans les années 70... Elle pouvait pas vraiment accepter la situation et elle arrêtait vraiment le cinéma à cause de ça. Mais il faut dire que ce métier d'actrice en Iran de l'époque a été toujours mal vu. Notamment, il y a un acteur très connu de l'époque, maintenant il a 80 ans, au nom de Malak Mouti. Il dit dans un interview qui a été fait il y a un an, que pour nous, ça a été difficile de dire qu'on est acteur de manière générale, quotidienne et tout ça. Mais c'était beaucoup plus difficile pour les filles, pour les actrices. Et souvent, elles cachaient leur métier. Et parce que malgré que ce film-là ait été accepté, en fait, si vous voulez, on aimait bien plutôt voir ces filles-là nues à l'écran, mais dès qu'on savait qu'elle était notre voisin, on ne l'aimait pas. Et ça, c'était quelque chose d'assez étonnant, et encore aujourd'hui, on pose cette question-là. Au final, ce qui est intéressant de savoir que la mentalité a évolué, et aujourd'hui, les jeunes, même s'ils n'ont pas forcément vécu cette époque, et même les vieux, respectent beaucoup les acteurs, les actrices de l'époque. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose, il y a une maladie, ou il y a le décès dans ces catégories de métiers, on va dire, il y a souvent des gens qui viennent, qui vont le voir, qui sont très inquiets par rapport à ce qui se passe à ces gens-là. C'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui à comprendre que ces gens-là, ils étaient très importants pour la culture cinématographique ou d'autres en Iran, qu'ils ont essayé vraiment avec beaucoup de difficultés de nous montrer d'autres choses, de nous faire aussi évoluer et de voir la vie autrement. Je vais vous poser une question piège à laquelle vous aurez malheureusement la réponse, Agnès de Victor, ce qui fait qu'elle n'est pas piège, ma question. Mais je vous la pose quand même, ainsi qu'à ceux qui nous écoutent. Qui a dit pourquoi était-il nécessaire de faire du cinéma un centre de vice ? Nous ne sommes pas opposés au cinéma, à la radio, à la télévision. Ce à quoi nous nous opposons est le vice. Le cinéma est une invention moderne qui devrait être utilisée dans le but d'éduquer le peuple. Mais comme vous le savez, au lieu de cela, il a été utilisé pour corrompre nos jeunes. C'est ce détournement du cinéma auquel nous nous sommes opposés, détournement effectué par les politiques traîtresses de nos dirigeants. Qui a donc écrit cela ? Et oui, et c'est l'ayatollah Khomeini qui va faire ce discours. Et ce discours va paradoxalement à la fois soulager une partie de la profession, puisque quand il dit ça en 1979, il rentre tout juste de son exil en France. Il marque vraiment le début de la Révolution, en tous les cas la victoire de la Révolution plutôt, puisque la Révolution commence dès 78. Et quand il prononce ce discours est à la fois marque une possibilité pour le cinéma de continuer à exister dans le nouveau régime, mais aussi il marque un coup d'arrêt à ce qui a été la production cinématographique en Iran depuis les années 50. Autrement dit, le film Farsi dont on parlait peu auparavant. Et évidemment, c'est le film Farsi qui est explicitement visé, plus les productions étrangères, notamment occidentales. Néanmoins, Khomeini, je pense, n'a pas une idée très claire de ce qui pourrait être produit, puisqu'à l'époque, nulle part dans le monde, on a des films qui peuvent avoir l'imprimatur de islamique. On ne sait pas ce que c'est qu'un film islamique, ou islamiquement correct, je dirais. On va donc avoir affaire à, on va dire, la construction d'un modèle, et pour construire ce modèle dont, au fond, ni les autorités religieuses, ni les scénaristes, encore moins probablement les réalisateurs, les acteurs, ne savent exactement ce qu'il en sera, on va se... Peut-être pour y voir un peu plus clair, on va créer un ministère de la culture et de l'orientation islamique. Est-ce que c'est, d'une certaine manière, pour essayer de répondre au travers peut-être d'un livre des normes de ce que devra être le cinéma dorénavant ou de ce qui devra être porté à l'écran, que ce ministère est notamment construit, pas évidemment uniquement essentiellement, mais notamment construit. Est-ce que c'est en passant par la construction, si j'ose dire, à la fois du bâtiment et puis de son administration, qu'on va pouvoir après, peut-être plus clairement, éclaircir l'horizon ? Alors c'est une question très complexe. Bon, le bâtiment, si j'ose dire, existe. Il existe avant un ministère de la culture en Iran. Donc c'est un point déjà important. Je pense que en 79, la question culturelle est importante parce qu'une grande partie des révolutionnaires et des cadres de la révolution sont des gens qui viennent des milieux de la culture. L'Iran, en plus, est un pays de haute culture dont le nationalisme repose sur cette idée d'être un pays de haute culture depuis, on va dire, 800 avant Jésus-Christ et qui est revendiqué en tant que tel. Donc cette conscience d'une importance de la culture, elle habite la politique, elle habite le politique. Et puis je pense qu'au moment où Khomeini va prendre en main la révolution, avec un discours, il faut vraiment se souvenir à l'époque, c'est un discours qui est à la fois tiers-mondiste, qui est une troisième voie, et qui se veut un discours d'indépendance culturelle. L'Iran n'a jamais été colonisé, mais on veut une indépendance culturelle face à des puissances hégémoniques. Et je pense que l'Iran, dans le grand récit de la révolution tel qu'il se manifeste en 79, la puissance politique n'aurait jamais laissé à d'autres le soin de rédiger ses propres rêves, ses propres désirs par la culture et notamment par le cinéma. Donc, si le cinéma d'avant la Révolution n'était plus conforme aux normes qui allaient désormais régir l'espace public, voire l'espace privé, s'il n'existait pas de cinéma correspondant à ces attentes, et puis surtout dans le cadre de ce grand récit qui est porté, qui est défini par cette révolution, il fallait aussi donner la capacité à définir de nouveaux modes d'expression et je dirais de projection, voire de projection nationale, pour reprendre un terme cher à Jean-Michel Frodon. On va avoir besoin d'une précision, Agnès de Victor, sachant qu'on est en train de parler d'une séquence pour le cinéma américain qui est plutôt, j'allais dire, à l'envers de ce que le cinéma américain nous habitue au cours des dernières années. On est moins dans une période de blockbuster, pour le dire très rapidement, que dans une période d'anti-héros. Fin des années 70, début des années 80, les Scorsese et autres font des ravages sur le modèle américain bien avant le « America is back » qui arrivera plus tard. Quand vous faites référence à ces modèles hégémoniques extérieurs, faites-vous référence au cinéma américain ou à d'autres cinémas? Alors, je pense que dans les années, enfin, les révolutionnaires qui ont fait la révolution, le peuple iranien a été perfusé de films américains depuis les années 60, depuis l'affirmation d'une présence américaine très forte en Iran, par notamment des militaires, par des cadres commerciaux, par les majors avaient leur société de distribution, mais le cinéma indien, le cinéma hongkongais, Bruce Lee est une figure, et je pense qu'on la minimise, une figure très forte hein, aussi de réponse de l'Asie à l'Occident. C'est un jaune qui répond à l'Occident. Mais donc on a différentes propositions fortes culturelles, mais on n'en a pas qui correspond à ce que recherche Khomeini, c'est-à-dire Khomeini et les hommes qui sont autour de lui, c'est-à-dire un cinéma qui pourrait permettre de visualiser ce que serait une société islamique, je pense, idéale, celle où le contrôle des mœurs serait extrêmement respecté et le cinéma pourrait à ce titre être, avoir valeur exemplaire. Et ça n'existe nulle part ailleurs. Notre épisode était intitulé « Chercher la femme » avec aujourd'hui Jean-Michel Frodon, Javad Zaini et Agnès de Victor. Demain la suite avec un nouvel épisode « Les fondations en action ».